Thérèse Raquin, chapitre 30. Il vint une heure où Madame Raquin, pour échapper aux souffrances qu'elle endurait, eut la pensée de se laisser mourir de faim. Son courage était à bout. Elle ne pouvait supporter plus longtemps le martyre que lui imposait la continuelle présence des meurtriers. Elle rêvait de chercher dans la mort un soulagement suprême. Chaque jour, ses angoisses devenaient plus vives. Lorsque Thérèse l'embrassait, lorsque Laurent la prenait dans ses bras et la portait comme un enfant, elle décida qu'elle l'échapperait à ses caresses et à ses étreintes qui lui causaient d'horribles dégoûts. Puisqu'elle ne vivait déjà plus assez pour venger son fils, elle préférait être tout à fait morte et ne laisser entre les mains des assassins qu'un cadavre qui ne sentirait rien et dont il ferait ce qu'il voudrait. Pendant 2 jours, elle refusa toute nourriture, mettant ses dernières forces à serrer les dents, rejetant ce qu'on réussissait à lui introduire dans la bouche. Thérèse était désespérée. Elle se demandait au pied de quelle borne elle irait pleurer et se repentir quand sa tante ne serait plus là. Elle lui tint d'interminables discours pour lui prouver qu'elle devait vivre. Elle pleura, elle se fâcha même, retrouvant ses anciennes colères, ouvrant les mâchoires de la paralytique comme on ouvre celles d'un animal qui résiste. Madame Raquin tenait bon, c'était une lutte odieuse. Laurent restait parfaitement neutre et indifférent. Il s'étonnait de la rage que Thérèse mettait à empêcher le suicide de l'impotente. Maintenant que la présence de la vieille femme leur était inutile, il souhaitait sa mort. Il ne l'aurait pas tuée, mais puisqu'elle désirait mourir, il ne voyait pas la nécessité de lui en refuser les moyens. Et laisse-la donc, criait-il à sa femme. Ce sera un bon débarras. Nous serons peut-être plus heureux quand elle ne sera plus là. Cette parole répétée à plusieurs reprises devant elle causa à Madame Raquin une étrange émotion. Elle eut peur que l'espérance de Laurent ne se réalisât, qu'après sa mort, le ménage ne goûtât des heures calmes et heureuses. Elle se dit qu'elle était lâche de mourir, qu'elle n'avait pas le droit de s'en aller avant d'avoir assisté au dénouement de la sinistre aventure. Alors seulement elle pourrait descendre dans la nuit pour dire à Camille « Tu es vengée ». La pensée du suicide lui devint lourde lorsqu'elle songea tout d'un coup à l'ignorance qu'elle emporterait dans la tombe. Là, au milieu du froid et du silence de la terre, elle dormirait, éternellement tourmentée par l'incertitude où elle serait du châtiment de ses bourreaux. Pour bien dormir du sommeil de la mort, il lui fallait s'assoupir dans la joie cuisante de la vengeance. Il lui fallait emporter un rêve de haine satisfaite, un rêve qu'elle ferait pendant l'éternité. Elle prit les aliments que sa nièce lui présentait, elle consentit à vivre encore. D'ailleurs, elle voyait bien que le dénouement ne pouvait être loin. Chaque jour, la situation entre les époux devenait plus tendue, plus insoutenable. Un éclat qui devait tout briser était imminent. Thérèse et Laurent se dressaient plus menaçants l'un devant l'autre, à toute heure. Ce n'était plus seulement la nuit qu'ils souffraient de leur intimité. Leurs journées entières se devenaient effroi et souffrant. Ils vivaient dans un enfer, se meurtrissant, rendant amer et cruel ce qu'ils faisaient et ce qu'ils disaient, voulant se pousser l'un l'autre au fond du gouffre qu'ils sentaient sous leurs pieds et tombant à la fois. La pensée de la séparation leur était bienvenue à tous deux. Ils avaient rêvé, chacun de son côté, de fuir, d'aller goûter quelque repos, loin de ce passage du Pont-Neuf, dont l'humidité et la crasse semblaient faites pour leur vie désolée. Mais ils n'osaient, ils ne pouvaient se sauver. ne point se déchirer mutuellement, ne point rester là pour souffrir et se faire souffrir, leur paraissait impossible. Ils avaient l'entêtement de la haine et de la cruauté. Une sorte de répulsion et d'attraction les écartait et les retenait à la fois. Ils éprouvaient cette sensation étrange de deux personnes qui, après s'être querellées, veulent se séparer et qui cependant reviennent toujours pour se crier de nouvelles injures. Puis des obstacles matériels s'opposaient à leur fuite. Ils ne savaient que faire de l'impotente, ni que dire aux invités du jeudi. S'ils fuyaient, peut-être se douterait-on de quelque chose. Alors ils s'imaginaient qu'on les poursuivait, qu'on les guillotinait. Et ils restaient par lâcheté. Ils restaient et se traînaient misérablement dans l'horreur de leur existence. Quand Laurent n'était pas là, pendant la matinée et l'après-midi, Thérèse allait de la salle à manger à la boutique, inquiète et troublée, ne sachant comment remplir le vide qui chaque jour se creusait davantage en elle. Elle était désœuvrée lorsqu'elle ne pleurait pas aux pieds de Madame Raquin ou qu'elle n'était pas battue et injuriée par son mari. Dès qu'elle se trouvait seule dans la boutique, un accablement la prenait. Elle regardait d'un air hébété les gens qui traversaient la galerie sale et noire. Elle devenait triste à mourir, au fond de ce caveau sombre, puant le cimetière. Elle finit par prier Suzanne de venir passer les journées entières avec elle, espérant que la présence de cette pauvre créature, douce et pâle, la calmerait. Suzanne accepta son offre avec joie. Elle l'aimait toujours d'une sorte d'amitié respectueuse. Depuis longtemps, elle avait le désir de venir travailler avec elle, pendant qu'Olivier était à son bureau. Elle apporta sa broderie et prit, derrière le comptoir, la place vide de Madame Raquin. Thérèse, à partir de ce jour, délaissa un peu sa tante. Elle monta moins souvent pleurer sur ses genoux et baiser sa face morte. Elle avait une autre occupation. Elle écoutait avec des efforts d'intérêt les bavardages lents de Suzanne qui parlait de son ménage, des banalités de sa vie monotone. Cela la tirait d'elle-même. Elle se surprenait parfois à s'intéresser à des sottises, ce qui la faisait ensuite sourire amèrement. Peu à peu, elle perdit toute la clientèle qui fréquentait la boutique. Depuis que sa tante était étendue en haut dans son fauteuil, elle laissait le magasin se pourrir. Elle abandonnait les marchandises à la poussière et à l'humidité. Des odeurs de moisies traînaient, des araignées descendaient du plafond. Le parquet n'était presque jamais balayé. D'ailleurs, ce qui mit en fuite les clientes fut l'étrange façon dont Thérèse les recevait parfois. Lorsqu'elle était en haut, battue par Laurent ou secouée par une crise d'effroi, et que la sonnette de la porte du magasin tintait impérieusement, il lui fallait descendre, sans presque prendre le temps de renouer ses cheveux ni d'essuyer ses larmes. Elle servait alors avec brusquerie la cliente qui l'attendait. Elle s'épargnait même souvent la peine de la servir, en répondant du haut de l'escalier de bois qu'elle ne tenait plus ce dont on demandait. Ses façons peu engageantes n'étaient pas faites pour retenir les gens. Les petites ouvrières du quartier, habituées aux amabilités doucereuses de Madame Raquin, se retirèrent devant la rudesse et le regard fou de Thérèse. Quand cette dernière eut pris Suzanne avec elle, la défection fut complète. Les deux jeunes femmes, pour ne plus être dérangées au milieu de leur bavardage, s'arrangèrent de manière à congédier les dernières acheteuses qui se présentaient encore. Dès lors, le commerce de mercerie cessa de fournir un sou aux besoins du ménage. Il fallut attaquer le capital des 40 et quelques mille francs. Parfois, Thérèse sortait pendant des après-midi entières. Personne ne savait où elle allait. Elle avait sans doute pris Suzanne avec elle, non seulement pour lui tenir compagnie, mais aussi pour garder la boutique pendant ses absences. Le soir, quand elle rentrait, éreintée, les paupières noires d'épuisement, elle retrouvait la petite femme d'Olivier derrière le comptoir, affaissée, souriant d'un sourire vague, dans la même attitude où elle l'avait laissée 5 heures auparavant. 5 mois environ après son mariage, Thérèse eut une épouvante. Elle acquit la certitude qu'elle était enceinte. La pensée d'avoir un enfant de Laurent lui paraissait monstrueuse, sans qu'elle s'expliquât pourquoi. Elle avait vaguement peur d'accoucher d'un noyé. Il lui semblait sentir dans ses entrailles le froid d'un cadavre dissous et amolli. À tout prix, elle voulut débarrasser son sein de cet enfant qui la glaçait et qu'elle ne pouvait porter davantage. Elle ne dit rien à son mari. Et un jour, après l'avoir cruellement provoqué, comme il levait le pied contre elle, elle présenta le ventre. Elle se laissa frapper ainsi à en mourir. Le lendemain, elle faisait une fausse couche. De son côté, Laurent menait une existence affreuse. Les journées lui semblaient d'une longueur insupportable. Chacune d'elles ramenait les mêmes angoisses, les mêmes ennuis lourds, qui l'accablaient à heure fixe avec une monotonie et une régularité écrasante. Il se traînait dans sa vie, épouvanté chaque soir par le souvenir de la journée et par l'attente du lendemain. Il savait que désormais, tous ses jours se ressembleraient, que tous lui apporteraient d'égales souffrances. Et il voyait les semaines, les mois, les années qui l'attendaient, sombres et implacables, venant à la file, tombant sur lui et l'étouffant peu à peu. Lorsque l'avenir est sans espoir, le présent prend une amertume ignoble. Laurent n'avait plus de révolte. Il s'avachissait. Il s'abandonnait au néant qui s'emparait déjà de son être. L'oisiveté le tuait. Dès le matin, il sortait, ne sachant où aller, écœuré à la pensée de faire ce qu'il avait fait la veille et forcé malgré lui de le faire de nouveau. Il se rendait à son atelier par habitude, par manie. Cette pièce, au mur gris, dont l'on ne voyait qu'un carré désert de ciel, l'emplissait d'une tristesse morne. Il se vautrait sur son divan, les bras pendants, la pensée alourdie. D'ailleurs, il n'osait plus toucher à un pinceau. Il avait fait de nouvelles tentatives et toujours la face de Camille s'était mise à ricaner sur la toile. Pour ne pas glisser à la folie, il finit par jeter sa boîte à couleurs dans un coin, par s'imposer la paresse la plus absolue. Cette paresse forcée lui était d'une lourdeur incroyable. L'après-midi, il se questionnait avec angoisse pour savoir ce qu'il ferait. Il restait pendant une demi-heure sur le trottoir de la rue Mazarine à se consulter, à hésiter sur les distractions qu'il pourrait prendre. Il repoussait l'idée de remonter à son atelier. Il se décidait toujours à descendre la rue Guénégaud, puis à marcher le long des quais. Et jusqu'au soir, il allait devant lui, hébété, pris de frissons brusques lorsqu'il regardait la scène. Qu'il fût dans son atelier ou dans les rues, son accablement était le même. Le lendemain, il recommençait. Il passait la matinée sur son divan. Il se traînait l'après-midi le long des quais. Cela durait depuis des mois, et cela pouvait durer pendant des années. Parfois, Laurent songeait qu'il avait tué Camille pour ne rien faire ensuite. Et il était tout étonné, maintenant qu'il ne faisait rien, d'endurer de telles souffrances. Il aurait voulu se forcer au bonheur. Il se prouvait qu'il avait tort de souffrir, qu'il venait d'atteindre la suprême félicité qui consiste à se croiser les bras et qu'il était un imbécile de ne pas goûter en paix cette félicité. Mais ses raisonnements tombaient devant les faits. Il était obligé de s'avouer au fond de lui que son oisiveté rendait ses angoisses plus cruelles en lui laissant toutes les heures de sa vie pour songer à ses désespoirs et en approfondir l'âpreté incurable. La paresse, cette existence de brute qu'il avait rêvée, était son châtiment. Par moments, il souhaitait avec ardeur une occupation qui le tira de ses pensées. Puis il se laissait aller. Il retombait sous le poids de la fatalité sourde qui lui liait les membres pour l'écraser plus sûrement. À la vérité, il ne goûtait quelque soulagement que lorsqu'il battait Thérèse, le soir. Cela le faisait sortir de sa douleur engourdie. Sa souffrance la plus aiguë, souffrance physique et morale, lui venait de la morsure que Camille lui avait faite au cou. À certains moments, il s'imagina que cette cicatrice lui couvrait tout le corps. S'il venait à oublier le passé, une piqûre ardente qu'il croyait ressentir rappelait le meurtre à sa chair et à son esprit. Il ne pouvait se mettre devant un miroir sans voir s'accomplir le phénomène qu'il avait si souvent remarqué et qui l'épouvantait toujours. Sous l'émotion qu'il éprouvait, le sang montait à son cou, empourprait la plaie qui se mettait à lui ronger la peau. Cette sorte de blessure vivant sur lui, se réveillant, rougissant et le mordant au moindre trouble, l'effrayait et le torturait. Il finissait par croire que les dents du noyé avaient enfoncé là une bête qui le dévorait. Le morceau de son cou où se trouvait la cicatrice ne lui semblait plus appartenir à son corps. C'était comme de la chair étrangère qu'on aurait collée en cet endroit, comme une viande empoisonnée qui pourrissait ses propres muscles. Il portait ainsi partout avec lui le souvenir vivant et dévorant de son crime. Thérèse, quand il la battait, cherchait à l'égratigner à cette place. Elle y entrait parfois ses ongles et le faisait hurler de douleur. D'ordinaire, elle feignait de sangloter dès qu'elle voyait la morsure, afin de la rendre plus insupportable à Laurent. Toute la vengeance qu'elle tirait de ses brutalités était de le martyriser à l'aide de cette morsure. Il avait bien des fois été tenté, lorsqu'il se rasait, de s'entamer le cou pour faire disparaître les marques des dents du noyé. Devant le miroir, quand il levait le menton et qu'il apercevait la tache rouge sous la mousse blanche du savon, il lui prenait des rages soudaines. Il approchait vivement le rasoir, prêt de couper en pleine chair. Mais le froid du rasoir sur sa peau le rappelait toujours à lui. Il avait une défaillance. Il était obligé de s'asseoir et d'attendre que sa lâcheté rassurée lui permit d'achever de se faire la barbe. Il ne sortait le soir de son engourdissement que pour entrer dans des colères aveugles et puériles. Lorsqu'il était las de se quereller avec Thérèse et de la battre, il donnait, comme les enfants, des coups de pied dans les murs. Il cherchait quelque chose à briser. Cela le soulageait. Il avait une haine particulière pour le chat tigré François qui, dès qu'il arrivait, allait se réfugier sur les genoux de l'impotente. Si Laurent ne l'avait pas encore tué, c'est qu'à la vérité, il n'osait le saisir. Le chat le regardait avec de gros yeux ronds d'une fixité diabolique. C'était ses yeux, toujours ouverts sur lui, qui exaspéraient le jeune homme. Il se demandait ce que lui voulaient ses yeux, qui ne le quittaient pas. Il finissait par avoir de véritables épouvantes, s'imaginant des choses absurdes. Lorsque, à table, à n'importe quel moment, au milieu d'une querelle ou d'un long silence, il venait tout d'un coup, en tournant la tête, à apercevoir les regards de François qui l'examinait d'un air lourd et implacable, il pâlissait, il perdait la tête, il était sur le point de crier au chat. « Eh, parle donc, dis-moi enfin ce que tu me veux !» Quand il pouvait lui écraser une patte ou la queue, il le faisait avec une joie effrayée. Et alors le miaulement de la pauvre bête le remplissait d'une vague terreur, comme s'il eût entendu le cri de douleur d'une personne. Laurent, à la lettre, avait peur de François, depuis surtout que ce dernier vivait sur les genoux de l'impotente, comme au sein d'une forteresse inexpugnable, d'où il pouvait impunément braquer ses yeux verts sur son ennemi. Le meurtrier de Camille établissait une vague ressemblance entre cette bête irritée et la paralytique. Il se disait que le chat, ainsi que Madame Raquin, connaissait le crime et le dénoncerait, si jamais il parlait un jour. Un soir, enfin, François regarda si fixement Laurent que celui-ci, au comble de l'irritation, décida qu'il fallait en finir. Il ouvrit toute grande la fenêtre de la salle à manger et vint prendre le chat par la peau du cou. Madame Raquin comprit. De grosses larmes coulèrent sur ses genoux. Le chat se mit à jurer, à se roidir, en tâchant de se retourner pour mordre la main de Laurent. Mais celui-ci tint bon. Il lui fit faire 2 ou 3 tours, puis l'envoya de toute la force de son bras contre la grande muraille noire d'en face. François s'y aplatit, s'y cassa les reins et retomba sur le vitrage du passage. Pendant toute la nuit, la misérable bête se traîna le long de la gouttière, l'échine brisée, en poussant des miaulements rauques. Cette nuit-là, Madame Raquin pleura François presque autant qu'elle avait pleuré Camille. Thérèse eut une atroce crise de nerfs. Les plaintes du chat étaient sinistres dans l'ombre, sous les fenêtres. Bientôt, Laurent eut de nouvelles inquiétudes. Il s'effraya de certains changements qu'il remarqua dans l'attitude de sa femme. Thérèse devint sombre, taciturne. Elle ne prodigua plus à Madame Raquin des effusions de repentir, des baisers reconnaissants. Elle reprenait devant la paralytique ses airs de cruauté froide, d'indifférence égoïste. On eût dit qu'elle avait essayé du remords et que le remords n'ayant pas réussi à la fin soulager, elle s'était tournée vers un autre remède. Sa tristesse venait sans doute de son impuissance à calmer sa vie. Elle regarda l'impotente avec une sorte de dédain, comme une chose inutile qui ne pouvait même plus servir à sa consolation. Elle ne lui accorda que les soins nécessaires pour ne pas la laisser mourir de faim. À partir de ce moment, muette, accablée, elle se traîna dans la maison. Elle multiplia ses sorties, s'absenta jusqu'à 4 à 5 fois par semaine. Ces changements surprirent et alarmèrent Laurent. Il crut que le remords, prenant une nouvelle forme chez Thérèse, se manifestait maintenant par cet ennui morne qu'il remarquait en elle. Cet ennui lui parut bien plus inquiétant que le désespoir bavard dont elle l'accablait auparavant. Elle ne disait plus rien, elle ne le querellait plus. Elle semblait tout garder au fond de son être. Il aurait mieux aimé l'entendre épuiser sa souffrance que de la voir ainsi repliée sur elle-même. Il craignit qu'un jour l'angoisse ne l'étouffât et que pour se soulager, elle n'allât tout conter à un prêtre ou à un juge d'instruction. Les nombreuses sorties de Thérèse prirent alors une effrayante signification à ses yeux. Il pensa qu'elle cherchait un confident au dehors, qu'elle préparait sa trahison. À 2 reprises, il voulut la suivre et la perdit dans les rues. Il se mit à la guetter de nouveau. Une pensée fixe s'était emparée de lui. Thérèse allait faire des révélations, poussé à bout par la souffrance, et il lui fallait la bâillonner, arrêter les aveux dans sa gorge. Thérèse Raquin. Chapitre 31. Un matin, Laurent, au lieu de monter à son atelier, s'établit chez un marchand de vin qui occupait un des coins de la rue Guénégo, en face du passage. De là, il se mit à examiner les personnes qui débouchaient sur le trottoir de la rue Mazarine. Il guettait Thérèse. La veille, la jeune femme avait dit qu'elle sortirait de bonne heure et qu'elle ne rentrerait sans doute que le soir. Laurent attendit une grande demi-heure. Il savait que sa femme s'en allait toujours par la rue Mazarine. Un moment, pourtant, elle craignit qu'elle ne lui eût échappé en prenant la rue de Seine. Il eut l'idée de rentrer dans la galerie, de se cacher dans l'allée même de la maison. Comme il s'impatientait, il vit Thérèse sortir vivement du passage. Elle était vêtue d'étoffes claires. Et pour la première fois, il remarqua qu'elle s'habillait comme une fille, avec une robe à longues traînes. Elle se dandinait sur le trottoir d'une façon provocante, regardant les hommes, relevant si haut le devant de sa jupe, en la prenant à poignée qu'elle montrait tout le devant de ses jambes, ses bottines lacées et ses bas blancs. Elle remonta la rue Mazarine. Laurent la suivit. Le temps était doux. La jeune femme marchait lentement, la tête un peu renversée, les cheveux dans le dos. Les hommes qui l'avaient regardée de face se retournaient pour la voir par derrière. Elle prit la rue de l'école de médecine. Laurent fut terrifié. Il savait qu'il y avait quelque part près de là un commissariat de police. Il se dit qu'il ne pouvait plus douter, que sa femme allait sûrement le livrer. Alors il se promit de s'élancer sur elle, si elle franchissait la porte du commissariat, de la supplier, de la battre, de la forcer à se taire. Au coin d'une rue, elle regarda un sergent de ville qui passait. Et il trembla de lui voir aborder ce sergent de ville. Il se cacha dans le creux d'une porte, saisi de la crainte soudaine d'être arrêté sur le champ. S'il se montrait, cette course fut pour lui une véritable agonie. Tandis que sa femme s'étalait au soleil sur le trottoir, traînant ses jupes, nonchalante et impudique, il venait derrière elle, pâle et frémissant, se répétant que tout était fini, qu'il ne pourrait se sauver et qu'on le guillotinerait. Chaque pas qu'il lui voyait faire lui semblait un pas de plus vers le châtiment. La peur lui donnait une sorte de conviction aveugle. Les moindres mouvements de la jeune femme ajoutaient à sa certitude. Il la suivait. Il allait où elle allait, comme on va au supplice. Brusquement, en débouchant sur l'ancienne place Saint-Michel, Thérèse se dirigea vers un café qui faisait alors le coin de la rue Monsieur le Prince. Elle s'assit au milieu d'un groupe de femmes et d'étudiants, à une des tables posées sur le trottoir. Elle donna familièrement des poignées de main à tout ce monde. Puis elle se fit servir une absinthe. Elle semblait à l'aise. Elle causait avec un jeune homme blond qui l'attendait sans doute là depuis quelque temps. Deux filles vinrent se pencher sur la table qu'elle occupait et se mirent à la tutoyer de leurs voix enrouées. Autour d'elle, les femmes fumaient des cigarettes. Les hommes embrassaient les femmes en pleine rue, devant les passants qui ne tournaient seulement pas la tête. Les gros mots, les rires gras arrivaient jusqu'à Laurent, demeuré immobile de l'autre côté de la place, sous une porte cochère. Lorsque Thérèse eut achevé son absinthe, elle se leva, prit le bras du jeune homme blond et descendit la rue de la Harpe. Laurent les suivit jusqu'à la rue Saint-André-des-Arts. Là, il les vit entrer dans une maison meublée. Il resta au milieu de la chaussée, les yeux levés, regardant la façade de la maison. Sa femme se montra un instant à une fenêtre ouverte du second étage. Puis il crut distinguer les mains du jeune homme blond qui se glissait autour de la taille de Thérèse. La fenêtre se ferma avec un bruit sec. Laurent comprit. Sans attendre davantage, il s'en alla, tranquillement, rassuré, heureux. « Bah, se disait-il en descendant vers les quais, cela vaut mieux. Comme ça, elle a une occupation. Elle ne songe pas à mal. Elle est diablement plus fine que moi. » Ce qui l'étonnait, c'était de ne pas avoir eu le premier, l'idée de se jeter dans le vice. Il pouvait y trouver un remède contre la terreur. Il n'y avait pas pensé, parce que sa chair était morte et qu'il ne se sentait plus le moindre appétit de débauche. L'infidélité de sa femme le laissait parfaitement froid. Il n'éprouvait aucune révolte de sang et de nerfs à la pensée qu'elle se trouvait entre les bras d'un autre homme. Au contraire, cela lui paraissait plaisant. Il lui semblait qu'il avait suivi la femme d'un camarade, et il riait du bon tour que cette femme jouait à son mari. Thérèse lui était devenue étrangère à ce point qu'il ne l'entendait plus vivre dans sa poitrine. Il l'aurait vendue et livrée 100 fois pour acheter une heure de calme. Il se mit à flâner, jouissant de la réaction brusque et heureuse qui venait de le faire passer de l'épouvante à la paix. Il remerciait presque sa femme d'être allée chez un amant lorsqu'il croyait qu'elle se rendait chez un commissaire de police. Cette aventure avait un dénouement tout imprévu qui le surprenait d'une façon agréable. Ce qu'il vit de plus clair dans tout cela, c'est qu'il avait eu tort de trembler et qu'il devait à son tour goûter du vice pour voir si le vice ne le soulagerait pas en étourdissant ses pensées. Le soir, Laurent, en revenant à la boutique, décida qu'il demanderait quelques milliers de francs à sa femme et qu'il emploierait les grands moyens pour les obtenir. Il pensait que le vice coûte cher à un homme. Il enviait vaguement le sort des filles qui peuvent se vendre. Il attendit patiemment Thérèse, qui n'était pas encore rentrée. Quand elle arriva, il joua la douceur. Il ne lui parla pas de son espionnage du matin. Elle était un peu grise. Il s'échappait de ses vêtements mal rattachés cette senteur âcre de tabac et de liqueur qui traîne dans les estaminets. Éreintée, la face marbrée de plaques livides, elle chancelait, tout alourdie par la fatigue honteuse de la journée. Le dîner fut silencieux. Thérèse ne mangea pas. Au dessert, Laurent posa les coudes sur la table et lui demanda carrément 5 000 francs. « Non, répondit-elle avec sécheresse, si je te laissais libre, tu nous mettrais sur la paille. Ignores-tu notre position? Nous allons tout droit à la misère. » C'est possible, reprit-il tranquillement. Cela m'est égal. Je veux de l'argent. Non, 1000 fois non. Tu as quitté ta place. Le commerce de mercerie ne marche plus du tout. Et ce n'est pas avec les rentes de ma dot que nous pouvons vivre. Chaque jour, j'entame le capital pour te nourrir et te donner les 100 francs par mois que tu m'as arrachés. Tu n'auras pas d'avantage, entends-tu? C'est inutile. Réfléchis, ne refuse pas comme ça. Je te dis que je veux 5 000 francs et je les aurai. Tu me les donneras quand même. Cet entêtement tranquille irrita Thérèse et acheva de la saouler. Ah, je sais, cria-t-elle. Tu veux finir comme tu as commencé. Il y a 4 ans que nous t'entretenons. Tu n'es venu chez nous que pour manger et pour boire. Et depuis ce temps, tu es à notre charge. Monsieur ne fait rien. Monsieur s'est arrangé de façon à vivre à mes dépens, les bras croisés. Non, tu n'auras rien, pas un sou. Veux-tu que je te le dise? Eh bien, tu es un... Et elle dit le mot. Laurent se mit à rire en haussant les épaules. Il se contenta de répondre « Tu apprends de jolis mots dans le monde où tu vis maintenant. » Ce fut la seule allusion qu'il se permit de faire aux amours de Thérèse. Celle-ci redressa vivement la tête et dit d'un ton aigre « En tout cas, je ne vis pas avec des assassins. » Laurent devint très pâle. Il garda un instant le silence, les yeux fixés sur sa femme. Puis, d'une voix tremblante, « Écoute, ma fille, reprit-il, ne nous fâchons pas. Cela ne vaudrait rien, ni pour toi, ni pour moi. Je suis à bout de courage. Il serait prudent de nous entendre. Si nous ne voulons pas qu'il nous arrive malheur, je t'ai demandé 5 000 francs parce que j'en ai besoin. » Je puis même te dire que je compte les employer à assurer notre tranquillité. » Il eut un étrange sourire et continua. « Voyons, réfléchis, donne-moi ton dernier mot. »« C'est tout réfléchi, » répondit la jeune femme. « Je te l'ai dit, tu n'auras pas un sou. » Son mari se leva avec violence. Elle eut peur d'être battue. Elle se fit toute petite, décidée à ne pas céder sous les coups. Mais Laurent ne s'approcha même pas. Il se contenta de lui déclarer froidement qu'il était las de la vie et qu'il allait conter l'histoire du meurtre au commissaire de police du quartier. « Tu me pousses à bout, » dit-il. « Tu me rends l'existence insupportable. Je préfère en finir. Nous serons jugés et condamnés tous deux. Voilà tout. Crois-tu me faire peur ?» lui cria sa femme. « Je suis tout aussi lasse que toi. C'est moi qui vais aller chez le commissaire de police si tu n'y vas pas. Ah, bien, je suis prête à te suivre sur l'échafaud. Je n'ai pas ta lâcheté. Allons, viens avec moi chez le commissaire. » Elle s'est levée. Elle se dirigeait déjà vers l'escalier. « C'est cela, » balbutia Laurent. « Allons-y ensemble. » Quand ils furent descendus dans la boutique, ils se regardèrent, inquiets, effrayés. Il leur sembla qu'on venait de les clouer au sol. Les quelques secondes qu'ils avaient mises à franchir l'escalier de bois leur avaient suffi pour leur montrer, dans un éclair, les conséquences d'un aveu. Ils virent en même temps les gendarmes, la prison, la cour d'assises, la guillotine, tout cela brusquement et nettement. Et au fond de leur être, ils éprouvaient des défaillances. Ils étaient tentés de se jeter aux genoux l'un de l'autre pour se supplier de rester, de ne rien révéler. La peur, l'embarras, les tinrent immobiles et muets pendant 2 ou 3 minutes. Ce fut Thérèse qui décida la première à parler et à céder. « Après tout, » dit-elle, « je suis bien bête de te disputer cet argent. Tu arriveras toujours à me le manger un jour ou l'autre. Autant vaut-il que je te le donne tout de suite. » Elle n'essaya pas de déguiser davantage sa défaite. Elle s'assit au comptoir et signa un bon de 5 000 francs que Laurent devait toucher chez un banquier. Il ne fut plus question du commissaire ce soir-là. Dès que Laurent eut de l'or dans ses poches, il se grisa, fréquenta les filles, se traîna au milieu d'une vie bruyante et affolée. Il découchait, dormait le jour, courait la nuit, recherchait les émotions fortes, tâchait d'échapper au réel. Mais il ne réussit qu'à s'affaisser davantage. Lorsqu'on criait autour de lui, il entendait le grand silence terrible qui était en lui. Lorsqu'une maîtresse l'embrassait, lorsqu'il vidait son verre, il ne trouvait au fond de l'assouvissement qu'une tristesse lourde. Il n'était plus fait pour la luxure et la gloutonnerie. son être refroidi, comme rigide à l'intérieur, s'énerver sous les baisers et dans les repas. Écœuré à l'avance, il ne parvenait point à se monter l'imagination, à exciter ses sens et son estomac. Il souffrait un peu plus en se forçant à la débauche, et c'était tout. Puis quand il rentrait, quand il revoyait Madame Raquin et Thérèse, sa lassitude le livrait à des crises affreuses de terreur. Il jurait alors de ne plus sortir, de rester dans sa souffrance pour s'y habituer et la vaincre. De son côté, Thérèse sortit de moins en moins. Pendant un mois, elle vécut comme Laurent, sur les trottoirs, dans les cafés. Elle rentrait un instant, le soir, faisait manger Madame Raquin, la couchait et s'absentait de nouveau jusqu'au lendemain. Elle et son mari restèrent une fois 4 jours sans se voir. Puis elle eut des dégoûts profonds. Elle sentit que le vice ne lui réussissait pas plus que la comédie du remords. Elle s'était en vain traînée dans tous les hôtels garnis du quartier latin. Elle avait en vain mené une vie sale et tapageuse. Ses nerfs étaient brisés. La débauche, les plaisirs physiques ne lui donnaient plus des secousses assez violentes pour lui procurer l'oubli. Elle était comme un de ces ivrognes dont le palais brûlé reste insensible sous le feu des liqueurs les plus fortes. Elle restait inerte dans la luxure. Elle n'allait plus chercher auprès de ses amants qu'ennui et lassitude. Alors elle les quitta, se disant qu'il lui était inutile. Elle fut prise d'une paresse désespérée qui la retint au logis, en jupon malpropre, dépeignée, la figure et les mains sales. Elle s'oublia dans la crasse. Lorsque les deux meurtriers se retrouvèrent ainsi face à face, lassés, ayant épuisé tous les moyens de se sauver l'un de l'autre, ils comprirent qu'ils n'auraient plus la force de lutter. La débauche n'avait pas voulu d'eux et venait de les rejeter à leurs angoisses. Ils étaient de nouveau dans le logement sombre et humide du passage. Ils y étaient comme emprisonnés désormais, car souvent ils avaient tenté le salut. Et jamais ils n'avaient pu briser le lien sanglant qui les liait. Ils ne songèrent même plus à essayer une besogne impossible. Ils se sentirent tellement poussés, écrasés, attachés ensemble par les faits, qu'ils eurent conscience que toute révolte serait ridicule. Ils reprirent leur vie commune, mais leur haine devint de la rage furieuse. Les querelles du soir recommencèrent. D'ailleurs, les coups, les cris duraient tout le jour. À la haine vint se joindre la méfiance. Et la méfiance acheva de les rendre fous. Ils eurent peur l'un de l'autre. La scène qui avait suivi la demande des 5 000 francs se reproduisit bientôt matin et soir. Leur idée fixe était qu'ils voulaient se livrer mutuellement. Ils ne sortaient pas de là. Quand l'un d'eux disait une parole, faisait un geste, l'autre s'imaginait qu'il avait le projet d'aller chez le commissaire de police. Alors ils se battaient ou ils s'imploraient. Dans leur colère, ils criaient qu'ils couraient tout révéler. Ils s'épouvantaient à en mourir. Puis ils frissonnaient, ils s'humiliaient, ils se promettaient avec des larmes amères de garder le silence. Ils souffraient horriblement. Mais il ne se sentait pas le courage de se guérir en posant un fer rouge sur la plaie. S'il se menaçait de confesser le crime, c'était uniquement pour se terrifier et s'en ôter la pensée, car jamais il n'aurait eu la force de parler et de chercher la paix dans le châtiment. À plus de 20 reprises, ils allèrent jusqu'à la porte du commissariat de police, l'un suivant l'autre. Tantôt c'était Laurent qui voulait avouer le meurtre, tantôt c'était Thérèse qui courait se livrer. Et ils se rejoignaient toujours dans la rue, et ils se décidaient toujours à attendre encore après avoir échangé des insultes et des prières ardentes. Chaque nouvelle crise les laissait plus soupçonneux et plus farouches. Du matin au soir, ils s'espionnaient. Laurent ne quittait plus le logement du passage, et Thérèse ne le laissait plus sortir seul. Leurs soupçons, leur épouvante des aveux les rapprochèrent, les unirent dans une intimité atroce. Jamais depuis leur mariage, ils n'avaient vécu si étroitement liés l'un à l'autre, et jamais ils n'avaient tant souffert. Mais malgré les angoisses qu'ils s'imposaient, ils ne se quittaient pas des yeux. Ils aimaient mieux endurer les douleurs les plus cuisantes que de se séparer pendant une heure. Si Thérèse descendait à la boutique, Laurent la suivait, par crainte qu'elle ne causât avec une cliente. Si Laurent se tenait sur la porte, regardant les gens qui traversaient le passage, Thérèse se plaçait à côté de lui pour voir s'il ne parlait à personne. Le jeudi soir, quand les invités étaient là, les meurtriers s'adressaient des regards suppliants. Ils s'écoutaient avec terreur, s'attendant chacun à quelque aveu de son complice, donnant aux phrases commencées des sens compromettants. Un tel état de guerre ne pouvait durer davantage. Thérèse et Laurent en arrivèrent chacun de son côté, arrivés d'échapper par un nouveau crime aux conséquences de leur premier crime. Il fallait absolument que l'un d'eux disparût pour que l'autre goûtât quelque repos. Cette réflexion leur vint en même temps. Tous deux sentirent la nécessité pressante d'une séparation. Tous deux voulurent une séparation éternelle. Le meurtre qui se présenta à leur pensée leur sembla naturel, fatal, forcément amené par le meurtre de Camille. Ils ne le discutèrent même pas. Ils en acceptèrent le projet comme le seul moyen de salut. Laurent décida qu'il tuerait Thérèse parce que Thérèse le gênait, qu'elle pouvait le perdre d'un mot et qu'elle lui causait des souffrances insupportables. Thérèse décida qu'elle tuerait Laurent pour les mêmes raisons. La résolution bien arrêtée d'un assassinat les calma un peu. Ils firent leurs dispositions. D'ailleurs, ils agissaient dans la fièvre, sans trop de prudence. Ils ne pensaient que vaguement aux conséquences probables d'un meurtre commis, sans que la fuite et l'impunité fussent assurées. Ils sentaient invinciblement le besoin de se tuer. Ils obéissaient à ce besoin en brute furieuse. Ils ne se seraient pas livrés pour leur premier crime, qu'ils avaient dissimulé avec tant d'habileté, et ils risquaient la guillotine, en en commettant un second qu'ils ne songeaient seulement pas à cacher. Il y avait là une contradiction de conduite qu'ils ne voyaient même pas. Ils se disaient simplement que s'ils parvenaient à fuir, ils iraient vivre à l'étranger, après avoir pris tout l'argent. Thérèse, depuis 15 à 20 jours, avait retiré les quelques milliers de francs qui restaient de sa dot et les tenait enfermés dans un tiroir que Laurent connaissait. Ils ne se demandèrent pas un instant ce que deviendrait Madame Raquin. Laurent avait rencontré quelques semaines auparavant un de ses anciens camarades de collège, alors préparateur chez un chimiste célèbre qui s'occupait beaucoup de toxicologie. Ce camarade lui avait fait visiter le laboratoire où il travaillait, lui montrant les appareils, lui nommant les drogues. Un soir, lorsqu'il se fut décidé au meurtre, Laurent, comme Thérèse, buvait devant lui un verre d'eau sucrée, se souvint d'avoir vu dans ce laboratoire un petit flacon de grès contenant de l'acide prussique. En se rappelant ce que lui avait dit le jeune préparateur sur les effets terribles de ce poison qui foudroie et laisse peu de traces, il songea que c'était là le poison qu'il lui fallait. Le lendemain, il réussit à s'échapper. Il rendit visite à son ami, et pendant que celui-ci avait le dos tourné, il vola le petit flacon de grès. Le même jour, Thérèse profita de l'absence de Laurent pour faire repasser un grand couteau de cuisine avec lequel on cassait le sucre et qui était tout ébréché. Elle cacha le couteau dans un coin du buffet. Thank you. Thérèse Raquin, chapitre 32. Le jeudi qui suivit, la soirée chez les Raquin, comme les invités continuaient à appeler le ménage de leurs hôtes, fut d'une gaieté toute particulière. Elle se prolongea jusqu'à 11h30. Grivet, en se retirant, déclara ne jamais avoir passé des heures plus agréables. Suzanne, qui était enceinte, parla tout le temps à Thérèse de ses douleurs et de ses joies. Thérèse semblait l'écouter avec un grand intérêt. Les yeux fixes, les lèvres serrées, elle penchait la tête par moments. Ses paupières qui se baissaient couvraient d'ombre tout son visage. Laurent, de son côté, prêtait une attention soutenue au récit du vieux Michaud et d'Olivier. Ces messieurs ne tarissaient pas, et Grivet ne parvenait qu'avec peine à placer un mot entre deux phrases du père et du fils. D'ailleurs, il avait pour eux un certain respect. Il trouvait qu'ils parlaient bien. Ce soir-là, la causerie ayant remplacé le jeu, il s'écria naïvement que la conversation de l'ancien commissaire de police l'amusait presque autant qu'une partie de domino. Depuis près de 4 ans que les Michaud et Grivet passaient les jeudis soirs chez les Raquin, ils ne s'étaient pas fatigués une seule fois de ces soirées monotones qui revenaient avec une régularité énervante. Jamais ils n'avaient soupçonné un instant le drame qui se jouait dans cette maison, si paisible et si douce lorsqu'ils y entraient. Olivier prétendait d'ordinaire, par une plaisanterie d'homme de police, que la salle à manger sentait l'honnête homme. Grivet, pour ne pas rester en arrière, l'avait appelé le temple de la paix. À 2 ou 3 reprises, dans les derniers temps, Thérèse expliqua les meurtrissures qui lui marbraient le visage en disant aux invités qu'elle était tombée. Aucun d'eux, d'ailleurs, n'aurait reconnu les marques du poing de Laurent. Ils étaient convaincus que le ménage de leurs hôtes était un ménage modèle, tout de douceur et d'amour. La paralytique n'avait plus essayé de leur révéler les infamies qui se cachaient derrière la morne tranquillité des soirées du jeudi. En face des déchirements des meurtriers, devinant la crise qui devait éclater un jour ou l'autre, amenée par la succession fatale des événements, elle finit par comprendre que les faits n'avaient pas besoin d'elle. Dès lors, elle s'effaça. Elle laissa agir les conséquences de l'assassinat de Camille qui devait tuer les assassins à leur tour. Elle pria seulement le ciel de lui donner assez de vie pour assister au dénouement violent qu'elle prévoyait. Son dernier désir était de repaître ses regards du spectacle des souffrances suprêmes qui briseraient Thérèse et Laurent. Ce soir-là, Grivet vint se placer à côté d'elle et causa longtemps, faisant comme d'habitude les demandes et les réponses. Mais il ne put en tirer même un regard. Lorsque 11h30 sonnèrent, les invités se levèrent vivement. « On est si bien chez vous, » déclara Grivet, « qu'on ne songe jamais à s'en aller. Le fait est, » appuya Michaud, « que je n'ai jamais sommeil ici, moi qui me couche à 9h d'habitude. » Olivier crut devoir placer sa plaisanterie. « Voyez-vous, » dit-il, en montrant ses dents jaunes, « ça sent les honnêtes gens dans cette pièce. C'est pourquoi l'on y est si bien. » Grivet, fâché d'avoir été devancé, se mit à déclamer en faisant un geste emphatique. « Cette pièce est le temple de la paix. » Pendant ce temps, Suzanne nouait les brides de son chapeau et disait à Thérèse « Je viendrai demain matin à 9h. »« Non, » se hâta de répondre la jeune femme. « Ne venez que l'après-midi. Je sortirai sans doute pendant la matinée. » Elle parlait d'une voix étrange, troublée. Elle accompagna les invités jusque dans le passage. Laurent descendit aussi une lampe à la main. Quand ils furent seuls, les époux poussèrent chacun un soupir de soulagement. Une impatience sourde avait dû les dévorer pendant toute la soirée. Depuis la veille, ils étaient plus sombres, plus inquiets en face l'un de l'autre. Ils évitèrent de se regarder. Ils remontèrent silencieusement. Leurs mains avaient de légers tremblements convulsifs et Laurent fut obligé de poser la lampe sur la table pour ne pas la laisser tomber. Avant de coucher Madame Raquin, ils avaient l'habitude de mettre en ordre la salle à manger, de préparer un verre d'eau sucrée pour la nuit, d'aller et de venir ainsi autour de la paralytique jusqu'à ce que tout fût prêt. Lorsqu'ils furent remontés, ce soir-là, ils s'assirent un instant, les yeux vagues, les lèvres pâles. Au bout d'un silence, « Eh bien, nous ne nous couchons pas ?» demanda Laurent qui semblait sortir en sursaut d'un rêve. « Si, si, nous nous couchons, » répondit Thérèse en frissonnant, comme si elle avait eu grand froid. Elle se leva et prit la carafe. « Laisse !» s'écria son mari d'une voix qu'il s'efforçait de rendre naturelle. « Je préparerai le verre d'eau sucrée. Occupe-toi de ta tante. » Il enleva la carafe des mains de sa femme et remplit un verre d'eau. Puis, se tournant à demi, il y vida le petit flacon de grès, en y mettant un morceau de sucre. Pendant ce temps, Thérèse s'était accroupie devant le buffet. Elle avait pris le couteau de cuisine et cherchait à le glisser dans une des grandes poches qui pendaient à sa ceinture. À ce moment, cette sensation étrange qui prévient de l'approche d'un danger fit tourner la tête aux époux d'un mouvement instinctif. Ils se regardèrent. Thérèse vit le flacon dans les mains de Laurent et Laurent aperçut l'éclair blanc du couteau qui luisait entre les plis de la jupe de Thérèse. Ils s'examinèrent ainsi pendant quelques secondes, muets et froids. Le mari près de la table, la femme pliée devant le buffet. Ils comprenaient. Chacun d'eux resta glacé en retrouvant sa propre pensée chez son complice. En lisant mutuellement leurs secrets desseins sur leurs visages bouleversés, ils se firent pitié et horreur. Madame Raquin, sentant que le dénouement était proche, les regardait avec des yeux fixes et aigus. Et brusquement, Thérèse et Laurent éclatèrent en sanglots. Une crise suprême les brisa, les jeta dans les bras l'un de l'autre, faibles comme des enfants. Il leur sembla que quelque chose de doux et d'attendri s'éveillait dans leur poitrine. Ils pleurèrent, sans parler. Songeant à la vie de boue qu'ils avaient menée et qu'ils mèneraient encore s'ils étaient assez lâches pour vivre. Alors, au souvenir du passé, ils se sentirent tellement las et écœurés d'eux-mêmes qu'ils éprouvèrent un besoin immense de repos, de néant. Ils échangèrent un dernier regard, un regard de remerciement, en face du couteau et du verre de poison. Thérèse prit le verre, le vida à moitié et le tendit à Laurent qui l'acheva d'un trait. Ce fut un éclair. Ils tombèrent l'un sur l'autre, foudroyés, trouvant enfin une consolation dans la mort. La bouche de la jeune femme alla heurter sur le cou de son mari. La cicatrice qu'avaient laissée les dents de Camille. Les cadavres restèrent toute la nuit sur le carreau de la salle à manger, tordus, vautrés, éclairés de lueurs jaunâtres par les clartés de la lampe que l'abat-jour jetait sur eux. Et pendant près de 12 heures, jusqu'au lendemain vers midi, Madame Raquin, froide et muette, les contempla à ses pieds, ne pouvant se rassasier les yeux, les écrasant de regards lourds. C'était Thérèse Raquin, par Émile Zola, lu par Stanley pour le site audiocité.net.